Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. C'est l'émission Hentar Brezonek, l'émission d'apprentissage de la langue bretonne avec Héry Le Naou, émission 481, Perhan, au nom d'un Perugun, c'est voilà. Ça, à Pevarugun si on veut dire tout. Pevarugun si on veut dire les dents. Ça va Henri? Oui, pas très, de ce que te glem. On commence par Guerriou Orvue? Alors oui, Guerriou Orvue, aujourd'hui, c'est le mot mates. Arvates? Arvates, ah, oui, parce que c'est un mot féminin. Donc après l'article, il y a mutation et on dit Arvates. Il y a une célèbre chanson de Philomena Cadoré, Arvates Vian. Hein. Voilà. Moi, j'ai jamais trop su ce que c'était exactement Vates, justement. Arvates. Une petite fille, oui. C'est quoi? Alors non. C'est un une employée de maison, une domestique, une bonne. Hein. Bon, voilà. Selon les traductions, quoi. Donc, bon, c'était très important autrefois, Hervates, hein. Donc, il y avait différents types de domestiques, hein, féminines. Hein. Par exemple, on disait Mates the person, ouais, la bonne du curé. C'était pas la plus mauvaise place. Non, on disait Carabassen aussi, voilà. Et moi, je me souviens ici, à Pommerit, il y avait la bonne du curé, donc, de l'abbé Ogel, elle s'appelait Catherine, et on l'appelait Catherine Persson. Ah, oh, super. Ouais, Catherine Curé, quoi. Ouais, Catherine Persson, ouais. Voilà. Et bon, elle faisait beaucoup de choses, elle faisait très bien la cuisine, elle entretenait le jardin, enfin. Ah oui, c'était un personnage très important dans la paroisse à cette époque-là. Dans certains coins, on parle de Carabassen aussi. Hein. Oui, j'ai entendu ça dans une chanson aussi. Oui, Carabassen, hein, oui. C'est la bonne du curé, c'est pareil. Oui. Donc ça vient du mot carapace, hein, je sais pas par quel, peut-être c'est une protection. Ça fait carabosse un peu, moi, ouais, je trouve. Ça fait carabosse un peu aussi, oui. Voilà. Et ici, on disait mat as a person, hein, voilà. Alors c'est un mot d'origine celtique, hein, et qu'on trouve aussi en gallois et en cornique, sous des formes voisines, hein. On trouve en anglais aussi « med », hein, et puis en allemand, c'est un peu un mot comparable. Hein. Voilà. « M-A-I-D » ?« M-A-I-D », oui. Ah, ouais. Qui aurait la même origine. Hein. Voilà. Alors, ça a donné « barmède », d'ailleurs. Hein? Ça a donné « barmède ».« Barmède », oui. Voilà. Et donc, alors c'est aussi employé pour des supports, différents types de supports. Hein. Par exemple, la pièce de bois qui permet de maintenir une charrette quand elle est dételée, de la maintenir horizontale. C'est une béquille, quoi. Bah oui, c'est une béquille, ouais. Mmh. Ça s'appelle une chambrière en français. Ouais, Hervates. Alors, des fois, c'est une simple béquille, des fois, c'est un triangle, hein. Mais c'est ce qui permet, justement, de soutenir, et donc, Hervates, hein, donc. On dit Hervates en breton pour cette pièce-là. Pour cette pièce-là, oui. Voilà. Alors il y a, donc j'ai dit là, c'est un mot féminin. Il y a un pluriel régulier qui est matezet, mais en fait on emploie en général le pluriel irrégulier qui est mitigen. Mitigen, ouais. C'est joli ouais. Ça. Ouais, c'est joli. Mitigen, hein. Mitigen orvro, hein, les bonnes du pays. Hein. Voilà. Alors il y a aussi un diminutif, hein, matezig, hein. Matezig, la petite bonne. Hein. La petite domestique. La chanson, justement, de Philomena Cadoret se termine comme ça. Matezig Breizizel, Ganononz Adé. C'est chanté par un offrette, hein. Je suis en train de penser à ça dans le disque Neurodla. Et tous les convives reprennent en chœur. Ouais. C'est très joli. Voilà. Hervates Vian. Il y a aussi un bal ficelle, non? Où on parle de Nistimanke d'un Tiwarmez? Nistimanke d'un Tiwarmez. Nistimanke d'un Tiwarmez, Manuske Bar, Striver, Björles. Alors, il y a deux versions. Une version avec Peter et une version avec Triver. Alors, à ce propos, je fais une petite digression. Christian Durand m'a dit qu'il y avait personne qui avait une ferme dans le pays ficelle avec 18 vaches à l'époque. Donc, c'était sûrement Peter. C'était seulement 4 vaches laitières. Et après, on parle de la Manuske Bar Spider Violaise à Gogan Fontaine de Vates. À Gogan Fontaine de Vates. Voilà, ce qui veut dire. Horozaud de Gastodier de Vess. Voilà. À Gogan Fontaine de Vates. Un joli brin de bonne, oui. Voilà. Pour traire les vaches et les emmener paître. Les vaches et les emmener paître. Et puis, à Gomé, veulent peau délicate de gaz vates de débat. Hein. Et un valet, hein, un garçon. Alors, délicate, c'est difficile à traduire. Hein. C'est habile, souple, dégourdi, quoi, hein, pour mener la bonne aux ébats. Oui, alors il y avait le dans la plupart des fermes importantes, il y avait Miel Bras, mais il y avait aussi Hervates Ras, la grande bonne, quoi, la chef des bonnes, en fait, quoi. Mais ça fait déjà beaucoup, ça fait pas mal de temps, hein, que ça n'existe plus. Hein. Le personnel a été très réduit dans les exploitations, mais il y avait Miel Bras et Hervates Ras, oui, voilà. Alors la plupart des gens, avant de se marier, travaillaient dans les fermes comme ça. Dans ma famille, par exemple, mes grands-parents ont été comme ça, Mates ou Mevel, avant de s'installer, quoi. Tu sais qu'il y a un endroit où il n'y avait pas de Vates. C'était à Ouessant. Ah oui? Il n'y avait pas de domestique à Ouessant. Ah bon? Parce que toutes les, il n'y avait que des fermes tenues par des femmes et elles étaient toutes chefs d'exploitation. Ah oui? Il n'y avait aucune domesticité. C'est incroyable. Ah oui, ah oui, oui. En tout cas, ici, il y avait beaucoup de mitigés. Voilà. On en reste là pour ce moment. On va rester là. D'accord. On passe à la seconde partie. On retrouve donc Brézon Nectan Matan. Troisième partie de ce dialogue consacré au cidre. Seconde partie de Inter Brézon Nectan Matan avec toujours notre Chandic là qui est parti faire un reportage sur le cidre avec Iwan. Voilà. Iwan Nango, non, comment c'est celui-là? Iwan Dantek. Dantek. De Skerblay. Oui. Qui est le producteur de cidre de Zantoloc. Hein. Voilà. Alors, la dernière fois, je crois qu'elle venait juste de rentrer dans le pressoir et voir un peu comment ça se passait. Là, ils sont en train de voir un peu la fabrication, quoi. Ah, Petra et Gret gant Juk, Iwan. La côte verme en balouer you dire de vervin dondera un togwaleigne à gahor ya de trou goudezé vela que der gis clair balouer youel de beur vervin a poésie de vergis vechenomza ya evel juste a pv erur poésie wardro mil pemzek vela que bavoutayo a dou visualer ve presse de verzon dabiou ve guerzet argist oh beur psor mode ve guerzet dondera tut de glace grandement. Hindel veguerz bastalio krampus, met de tadoye vos chopinats, Chandic? Dump, anyone, dump. On va reprendre Henri, ce petit dialogue pour ceux qui, pour qui ça a été peut-être un peu trop vite. Ouais. Entre Chanik et Iwan. Chanik demande à Petra Vegret Gonarchuk, Iwan. Oui, alors Petra Vegret Gonarchuk, qu'est-ce qu'on fait du jus, hein? Voilà, le jus de pomme. La que devait en man, bah, l'aérou dire da virvin. Ya. La que be en man, bah, l'aérou dire de virvin. Alors, on le met ici, hein. Donc, la que devait, c'est-à-dire, forme d'habitude, hein. On le met donc ici dans des bacs, dans des cuves, hein, dans des cuves d'acier. Hein, dire, c'est d'acier. De virvin pour fermenter. Alors le mot virvin, c'est bouillir. Ouais, ouais. Mais en breton, quand pour la fermentation du cidre, on dit virvin parce que ouais, ça fait les bulles, ouais. Hein, de virvinia. Hein. Et on dit birviragiste. Hein. Ouais. Donnerantok walein, walein. Alors le donnerantok walein, le chapeau vient à la surface. Agahor ayadantraou. Voilà, et la lie, hein, c'est corps, hein, c'est le mot corps, hein. Et la lie donc tombe au fond. Hein. Comme la merde, quoi. Ah, oui, exactement, oui, oui. Gorgis, c'est la lie, quoi. Ah, d'accord. Oui, oui. Goudézé, veka sedargis, clair, bonne loueral, d'aben virvi. Bien. A goudézé, veka sedargis, clair. Donc après ça, on envoie le cidre clair. Clarifié, hein, puisque le chapeau est monté puis que la lie est tombée au fond. Banolwerel, hein, c'est ce qu'on appelle faire du soutirage. Hein, donc on envoie dans une autre cuve. Da beurvirvin. Alors beur, c'est finir de. Ouais. Hein, de beurvirvin, c'est pour finir de fermenter, pour terminer la fermentation. Ah, pouvez être véargiste, véchenamzer, demande Jean-Nic. Voilà, et on pèse le cidre de temps en temps. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on pèse avec, tu sais, c'est. Le pèse-cidre, hein, qui s'enfonce plus ou moins, hein, en fonction de la densité. Pour l'alcool et le sucre, hein, je crois, voilà. Que c'est ça, la différence entre l'alcool et le sucre. Voilà. Il y avait juste dit one à pavé eru arpoise, wardro mille pemzek, et vé laquette bar bouteille. Voilà. Et quand le poids, c'est-à-dire la densité, est arrivé autour de 1015, vé laquette bar zor bouteille, on le met en bouteille. À Dauvis, warler, vé prest. D'Arverzan. Voilà. À Dauvis Waller, deux mois après, il est prêt à vendre. Vé presse de Verzan. D'Abiou vé Guerze d'Archis, demande Jean-Luc. Alors, à qui est vendu? Alors, est encore forme d'habitude. Hein. D'Abiou vé Guerze de Giste, à qui on vend le cidre? Oh, Bepsor Maud vé Guerze. Voilà, de plusieurs façons. Bepsor Maud. Hein. Dondera Tut de Glasnan, en main. Hein. Ouais. Donc, il y a des gens qui viennent le chercher ici. Endel vé Guerze de Stalio Krampos. Voilà. Autrement, on vend à des crêperies. Stalio Krampus, des crêperies. Mais de Daevan au Chopinat, Chanik, proposément. Voilà. Mais de Daevan au Chopinat, hein. Venez boire une Chopin, hein, Chanik. Domp nehen, he want, domp. Voilà, c'est un métier très riche. Hein. Elle dit, on y va, quoi. Voilà, on y va. Elle est toujours d'accord. Voilà. À chaque fois, les gens de la radio, on remarque qu'ils sont quand même... Ils vont volontiers faire des expériences, goûter, tout ça. C'est pas la partie la plus difficile du métier, d'ailleurs. Non, non. Non, non, c'est sûr. On passe maintenant à la troisième partie, c'est Petra Zonevervro dans quelques instants. Thank you. Iri Petra zone vervo. Ben calze drou et vel juste boire vigdi ou zan. Krogom de dianton vel kiz a custum. Gandela bourdouar a gervu et war armez. Eruyon bremont ben dis caramzer a tosta ram de ze gouan. Dans mon temps, n'a un ouan dash en el arbourdouar. Ben dis caramzer ve a huls vidoborgiste. Pejon Jean de Basis, très grand de l'asso, ou un croque de Burgiste, basco la bourdou arcarnilienne. Puis dur de houls, ou à goué à l'aucos, à bon ou à bête de divise, d'or au Burgiste, lycée la bourdou ar. Bon, à zézo bête d'un dravade, vide de lycée carnilienne, puis dur zézo, on tombe, de dé de vous de, on tombe arouez lycée bénéfine, hein. Ag bon boue houls de dianton oa vigegred presto oa bet dimbor pres or pres mot koz ag bon benefins o bet prene donel ag oam krog d'obergis gis gand skolidie ag boue zo bet gis ba kernelien eus bet kalz brige oam ba konkour gis de rand vro me dive ba Paris hein, ag bon derve or gis ba Basco là Bordeaux, très grande mille voutailles de Bépla. Bon, c'est une vie d'orgiste. Végenamzer, grand tendard de Thiesegervro. Ag bon, pas de pelle ou abe de d'azon Thiesegervro ou ar grand nara yo, nara petit Thiesec. Ag bon, zévelard n'gal ag un ara. Ag bon un drase un ara vraiment un rack war dro mar outin ag mams mes gwelet war ouest éclair von guerz de prestig l'emballa en l'emballa gain bon quoi c'est tu voyais chu quand un ara yo triste ya triste quoi le c'est me strak tiese gevro me stra voix son dra bruis a bromen zo gred evid la or la bournara zo zavet o strola da jip hein groupement d'intérêt public hag bon rez rei wadro hier se mache ouais donc bis a mod vo kon hein mais bon pe de vid nara yo moi je suis un trou dans mon temps vraiment wadash en endro spéno million de dû de zobé de tramène de ba Berlédan de vel de laine d'Isère d'un peso drazoué ce soir hein là redvé au million de pervillion hunter bon mais wardro bop là quand c'est oh ya quand je dis zobé de pas de non habita vraiment un peu vraiment vos hatcargue de laine ma tresse ne vaut que quoi la d'Isère et tin mais Jean-Jal rend ma treize zine de ro de brudéreuse vie de laine, ag ma senteitu droise de vel pis sa mot de vein, pis ve carga de zour. Bon. Mais de dra zoué zus et bédam. Calze drouz au bremen, gand notrez au bé de ro de stal variscan, et vi classe beup sortra ou bandouar, hein. Lithium, germanium, tungstène, molybdène, nickel. Hour à mi ou à mi, pète à tout. Sais-tu, bon, zo bizarre, do, orstrolan, hein, zo rang, do, ar, didoul, et vide, classe, hars, vefebi, red, un toulouse, ban, do, ar. Même sera, zo, une sorte, diazamon, pévelard, bezi, banafers, plus dur, tout de, gevridig, ma peçoine, gandor, gébras, société ma besoin de zorant warantus puis dur quoi elle rend bromen va perform hiver et quand do pdx scrum ag m'avait d'air de 10 warant que pis sa mot de vos comptes puis dur donc moyen de hars puis dur vers red class que tout d'un trous vie de run bien vieux donc pis sa mot de bonne vraiment quoi elle rend il red de pubdin quand internet hindel de ce que moyen de remonte bêtise Gwell meus war gazette nach koms de zoriz ou nunke d'internet ou fracturé numérique, vela. Vela ranor. Hein? Vela ranor, Eric. Ya vel don ya. Ag zo trox pontus de zon, un peu dur. Vela ket de zolar et de red la canette d'Inde en Eves, sous tutelle, ma personne. mais curé. Curatelle numérique. Plus dur. Penatien, tant moi l'aine au Arzé, ou là que de, un dude se voit le tout clan bénéfine. A voir être de Yahane. Yahane, visé, bon, avec un seul coach de Yahaden dude. Ah ben, ne ce que moyen de Yahane, plusieurs auraient, réglant, qu'on a là, franchement, la canette in dans Neves, la canette, sous tutelle, ma personne. Gwelleran, mames, armes gwellet war, war an ouest éclair, was, mames d'or vugan leve, pe veñ babigou, ve laket, trawa aux isquarm de laket, zoner eus de, quoi, n'eket d'or vamm, gant evite, mais de ve laket trawa aux isquarm, a zez o valtre vid aux isquarm, mais de, bon, gwelleret ave gwerz eus e, bon, war an kepe sa mot vo kon, gant, bah, ouais, les représailles ou bien écrivent dans les livres quand George Orwell a ou a mis nos hand père à père Hugen. Ah ouais, le mesure non, on a ne écrivent dans non la Deauville père à père Hugen. Au écrivant y aura algérien, on a ne écrivent dans les livres ou un homme sur deux zones, un équecals far susor vide mis nos hand père à père Hugen. Hag oa l'arret ba levers mino hant per a perugen. George Orwell diz ke pe sa mod ve febe de benefin ar gevridigus, pe ve febe de reet d'un trou gant Big Brother. Big Brother is watching you. Vraiment, ne ke Big Brother etin, me gaffa. Gaffa, ya. Gaffa zo e reen ar bet al arade Google, Apple, Facebook, Amazon. Et hez e Big Brother, vraiment. Hag ur gerstur de Gaffa et Tina. There is no alternative. Da la rade n'eus ket moyen d'or hendel. E c'hed d'or, ya, a dis, bon, Gaffa, ya. Bon, c'hed d'or an de change, an tamm me gond, hein. Mais de Jean Jalran me sera fait bien mal, hein. Zela don tamm gwellar, ulor un traoù, hag zela de pesamo de vevam, ka matrezen e on tamm dre om fod, me me sra ma zo aïe tout un traoù. Ka variskan, zo un tamm stal distorwa, gant daou den ba pen a pempirouer o labour, ne ke kalz dra. Me gafa zo aler, quoi. Hag pe raio gafa, no ke bro arz un traoù devant, hein. Dis eus an. Bon. Endel na an ne veso oa bet votet an de gombontam deus politiker az bremañ tost a ram deus ur vot adegou, prest il vo ur vot adegou, hag lenner an oa re gazet en programme ou rezo kazmon oa re gade or, gwa, dipitus oa re pez meus len an da. Vel anket kalz e youl vid breiz, ba, tout na fer yaouz. Kom se ve deus breiz, vel ve ve bet l'air hel, ma peswant, quoi. Ous koud e mijonj, ba, breiz, oa traouel d'or, med dipit us oare. Bon, ame, bon peus o tul oare a reng, pu yon vo daouz e glist en gaftin, ma, no ke mu ar tin, med daouz e gzo deja a gase, vo deus i bap. Bon, ne veso, zo bet komzet ba kamber e gos, an n'en ket komzet pel de ze, met de skart a ur yez ou gwasket, hag benefin, bon e benar, gant ur sena, kamber e gos, mon warog an afarz. Hag aze oa bet ran ma de labour, plusieurs vid pez velard de republikan de bromen, un tugwen velard republikan de bromen, ya. Vel m'avait fait que bid un réel républicain de bon ag wa bihande de labour Marc Le Fur ou deux te manifeste évident présent de Bacarès plusieurs vegwel de au cas de Lins le grand Christian Trodeg au nom de Pépen ag pas de Namsorz ou Gérard Larcher au Tistruge labour ce ba Cambregos C'est tu vois rendre mort de l'arbre, pépon et rail l'arbre, mais bénéfine, breton devait être rubarde de Jules Gouiche. Bon. Bacarès, zobé de Salons de l'Everio, ne ce que gual belzo, hag, jusement, vie de Salons de l'Everio, ou abé de guel, vanifestalex, hein. Hag, zo deut, calz, calz dut, hag, calz, scrivant n'erien, hein. Un nommé, soit Hervé Lergald, à square, ne scrive de l'Ever ou à Gronvel, ma treize ne peut se bécler, zé, bah, grand, Jean-Pierre, hein, bon, à scrivant n'erien, elle, mais même stra war wardash nimbaner ze brezon de gazo kudelou quoi voilà peus matres en waed stal m globrise de blot ya stal m globrise wa wa becrou de trugen lasso wa de dianton wa kedo wa kedo nimbaner de dianton wa gevridiges evit diven yes a gazevenadio Hag benefin oa deut evoud o onti imban, an imban d'eut kalz drouf el skridou e brezon d'eut Pierre-Jacques Elias a kalz drouf el. Puis d'eut an imban d'eut mezon tro seiz kan lever beneket. Hag bafin oa fanj broudik ba pen d'en afer. Hag bon bremañ eet stal de blad. Hag bon vo ket imban d'eut mand vetin gant em globreiz. Hag zezo on tolval, c'hoaz, vid an brezon d'eut gevel just. Bon, gelaou en brud neve ou a stag de zem globreiz, der o vo der an meus tra. Mais un ti imban, bon fanj brudin de ske gal hat zevel un afan. Hendel, bon, meus tra ve jen amzor, vet yel ei an mad, war vid an brezon. Bon, ba la ruen, man kas zevel a hlas diou yezeg. Hag ma trezen vo gret, chans vad la an dek, mad vefe bit gret o hlas diou yezek bavro, l'er ve komz o brezandek. Kakaz ebro, pevezel a garten e zoe zizouar, ve gret klas o diou yezek, l'er ve ke komz o brezandek. L'er ve komz o brezandek ve ke gret. Aziz o... Ils ont droit à droit, on tombe même, ça. Puis, comme dans des salons élevés, il y a voir, au nom de ce bide, hors prise Thiers Carrez et Loïc Le Guiouzer, à 13 ans, peu clévisé, de ce gré de lever, bon, vie de Cochinchine, rang de Cochinchine. Cochinchine, c'est une danse de ce bro Danemark. Hein, goudrait, pa, pa, ra, pa, ra, pa, ra, pa, ra, pa, ra. Hag, zo bra ou tri, quoi. Hag, on danse avec, ve danse tri à tri. Hag, zé zo, bon, on a une fente, on tombe. Hag, clé, maintenant, ba, RKB, ou, plusieurs, ou, bé, de, grand lycée, dit, caresse. Hag explique displiquant zé quoi pesamo de comme sera de dans de zor peuple de zor boble indien et karouk hein hag zo bé de kai distruge hag zo vraiment cas non radzevel hein. Radzevel oye zo zevenadio anen que vet tripem 3000 pem kan azé ve febé dans au square en vite braise hein plus dur nimzon et verus ormed ma trems même que tiem de youl. Bon, bah, c'est tu, même grêle, on tombe trop, ou arpessonné, et en vro, là, en d'art, tiens, Norvégiel, Morgan, tiens, Norvégiel, de Chiloé, Arion. Qui est nous, Eri?